کنه. Nos banlieues à risque, Roya et tous tes petits patelins. Si t'as mis des as, bat à gauche, à droite, on prendra pas tes patins. Non, on prendra pas tes patins. Non, on prendra pas tes patins. 48 heures, on ressort à jeun. Roya, on a plus de flow qu'un vagin. Ne pars pas, nos banlieues à risque, Roya et tous tes petits patelins. Si t'as mis des as, bat à gauche, à droite, on prendra pas tes patins. Non, on prendra pas tes patins. Non, on prendra pas tes patins. 48 heures, on ressort à jeun. Roya, on a plus de flow qu'un vagin. Putain, j'suis trop content, mon ascenseur sent plus la pisse. Et le soir quand je m'endors, plus de sirène de la police. Bizarre quand je descends au garage, mes voitures ne sont plus rayées. Bahlil quand je relève le courrier, Renoir, y'a plus de factures à payer. Putain c'est dingue, ma salle de bain fait la taille de leur appart. Il est vénère, je crois que j'ai qu'un sa meuf dans sa Fiat 500 appart. Non c'est vrai, ma vie a changé. Polo banlieue sale chez le teinturier. Renoir, je sais plus faire de créneau. C'est sûrement la faute au voiturier. Alhamdoulilah, je vis dans un rêve. Ce rêve que t'aimerais faire. Promo, télé, radio, concert sold out. Mais on peut toujours te niquer ta mère. Tribune présidentielle, j'serre la main à Zlatan. Quand j'y pense, petit au quartier, bande à Hakim, on avait même pas canard. Ma voiture sans le neuf, mon doigt sans la meuf. Sahab, tu m'connais pas. Ma belle, arrête ton bluff. À part ça, non, j'ai pas changé. Renoir, j'sais pas qui t'a dit ça. Tiens, MC, va m'acheter un grec. Complet mayonnaise, harissa. Ne pars pas, nos banlieues à risque, Roya et tous tes petits patelins. Si t'as mis des as, bat à gauche, à droite, on prendra pas tes patins. Non, on prendra pas tes patins. Non, on prendra pas tes patins. 48 heures, on ressort à jeun. Roya, on a plus de flow qu'un vagin. Ne pars pas, nos banlieues à risque, Roya et tous tes petits patelins. Si t'as mis des as, bat à gauche, à droite, on prendra pas tes patins. Non, on prendra pas tes patins. Non, on prendra pas tes patins. 48 heures, on ressort à jeun. Roya, on a plus de flow qu'un vagin. 22, ça sent le murder. J'suis avec mes acolytes. On s'embrouille pas pour du rap, mais de fume pour un euro symbolique. Dis-leur que c'est PR en personne. Si la police te questionne, à force de faire des longues peines, tu n'en as plus pour personne. Piatch, Glock et Ozzy RS. Quel est le fils de pute qu'a osé MZRF? Laisse les nerfs, on les baisse. Flow étudié au CNRS. Des millions d'euros dans mon rêve. Beyoncé me fait le marfait. Négro, j'ai que les déblats tellement gang que j'peux même pas les dédicacer. A vos marques, ça fait clic clic boom. 240 gang dans ton living room. 9-1-9-1-0, c'est le fucking. C'est le fucking, c'est le fucking. Dans ce putain monde, tout s'achète. Comme ta schneck derrière la vitrine. On m'a dit que c'était toi le best. Ça m'a donné envie de rire. Je reprendrai pas tes patins, à part si tu connais ma somme. Chez moi les guerres sont gratuites, c'est les soldes, c'est les sommes. En eyes on me des BS, j'fais sortir ma merde à l'escorte. Mogo chez moi les couilles appartiennent à celui qui les porte. Ne pars pas, nos banlieues à risque, Roya et tous tes petits patelins. Si t'as mis des as, bat à gauche, à droite, on prendra pas tes patins. Non, on prendra pas tes patins. Non, on prendra pas tes patins. 48 heures, on ressort à jeun. Roya, on a plus de flow qu'un vagin. Nos banlieues à risque, Roya et tous tes petits patelins. Si t'as mis des as, bat à gauche, à droite, on prendra pas tes patins. Non, on prendra pas tes patins. Non, on prendra pas tes patins. 48 heures, on ressort à jeun. Roya, on a plus de flow qu'un vagin. Ouais, t'es 28, j'ai 87. P38 à K47. Bonne cuite, braque la Z7. La coque est cuite, craque la recette. Prenez fuite, faites 17. Sucez des bites, faites comme vos ancêtres. Encore un hit, toujours pas de bicep. Ça vend du shit, ça vend de la zipette. Ça fait du chiffre, des armes soviètes. Ça fait les pites, en face les mauviettes. Ça suce des bites, ça finira en levrette. Pour siffler un mage, je vous mets une tempête. Je suis fescud, tu nous connais. C'est chaud dans la ville, tout déjà qu'on est. Rafale dans ton beat, j'ai pas le temps de cogner. 7-8-9-2, fuck le monnier. 7-62, dans le parking. Dis-moi donc, je vais me faire tirer par qui. Je suis avec mes rebeux, je suis avec mes chinois. Je suis avec mes gitans, je suis avec mes blackies. Trop de catins, je fais couler les larmes. Prends mes patins, je prendrai les armes. Furtif kamikaze, t'arracheras ton âme. Exprès criminel, c'est des drames. À risque, Roya et tous tes petits patelins. Si t'as mis des as, bat à gauche, à droite, on prendra pas tes patins. Non, on prendra pas tes patins. Non, on prendra pas tes patins. 48 heures, on ressort à jeun. Roya, on a plus de flow qu'un vagin. Ne pars pas, nos banlieues à risque, Roya et tous tes petits patelins. Si t'as mis des as, bat à gauche, à droite, on prendra pas tes patins. Non, on prendra pas tes patins. Non, on prendra pas tes patins. 48 heures, on ressort à jeun. Roya, on a plus de flow qu'un vagin.